Charline. La tia-tia. Ah, elle ose le faire, mais c'est pas grave. Moi, je serais vous, je serais pas la maline parce que vous avez un vrai balèze à côté de vous. Ah oui, ça, Oxmo Puccino. Ouais, un déconne. Oui, parce que je savais pas si vous parliez d'Oxmo Puccino ou d'André Manoukian. Alex Vizorek, j'avais assez rapidement exclu la possibilité. J'aurais dit le poilu, c'est Manoukian, mais Oxmo Puccino, c'est le balèze. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, faut pas m'embêter jusqu'à 18h. Bon, bah, bon courage. C'est comme ça. Comment elle sait que je suis poilu? Elle vous a vu. Écoutez, vous savez quoi, on va passer à la véritable information. Parce que j'ai entendu 2-3 inexactitudes dans les précédents flashs. Je pense qu'on va remettre l'église au milieu du village. Là, d'accord, ça marche. Vous êtes prête? Oui, allez, je suis prête. Prenez une leçon, écoutez. Salut les amis. Salut Charline. Bon alors, qu'est-ce qu'on s'est marré hier. Ouais, alors justement. Mais quoi? C'était pas parfois un peu cru? Mais non, c'est la vie. Écoute, on avait un acteur italien octogénaire qui nous disait amusez-vous. Il a quand même beaucoup parlé de sexe. De sexe, oui, il a parlé de sexe, mais entre une citation de Pavese et une rencontre avec Pasolini, enfin, quand même du passé à la trappe et un disque et deux sujets. Alors, Aujourd'hui, ça va être sérieux, on va changer le monde. Ok, d'accord. Bon, mais c'était tellement cru. J'ai réécouté, il y a quand même eu cette petite blague. Hein. Comment on les connaît à la Lyon d'Alitalia? On les connaît par les poils sous les ailes. Excellente blague, moi je la connaissais avec un avion portugais. Ouais, enfin, c'est pas très distingué. Oui, non, c'est vrai. Et puis il y a eu la chronique d'André Manoukian aussi. Il a parlé du ressenti féminin de la musique. C'est beau. Enfin, surtout l'invité, il a repéré le vrai métier d'André qu'on croyait musicologue. Mais ça, c'est un vaginologue. Non, mais c'est très exagéré. Moi je dirais plutôt qu'André est musicolo-vaginologue. Ouais, ou vaginomusicologue. Oui, ouais. Plutôt avec vagino d'abord. Ouais. Puis cerise sur le gâteau, l'émission s'est terminée comme ça quand même. Aimez-vous, essayez-vous. Et baiser. Bonsoir Nicolas Demorand. Non. Oh putain, il a raison, c'est un baiser. Et si on l'écoutait, le monde serait plus beau. Mais tout à fait. Ah, vous êtes d'accord, les filles? Mais bien sûr. Allez, on y va tout de suite. Non. Ah, elle a des limites, la révolution sexuelle, quand même. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui recycle l'actualité et voici les 3 infos que nous allons d'abord trier jusqu'à 18h. Avant, c'était historique. Hollande était le président le plus impopulaire de la 5e République. Aujourd'hui, c'est historique, c'est le plus grand bond dans les sondages de toute l'histoire des sondages. Bref, c'est le grand rebond. Vous l'avez perçu le grand rebond, c'est bon ? Afficher son désaccord dans la rue est aujourd'hui un délit. Les Français veulent entretenir un esprit de résistance, mais il ne fait pas bon être militant en ce moment. Des activistes écolos sont assignés à résidence. Laissez-moi sortir, je vous en prie. David Bowie sort un nouveau titre qu'il a dû recalibrer pour pouvoir le vendre sur iTunes. Au nom des standards commerciaux, il a raboté son titre de 11 minutes à moins de 10 minutes. Ce n'est pas une question de taille, c'est la façon de s'en servir qui compte. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est d'accord avec la maxime que nous venons d'entendre. C'est Alex Vizorek. C'est même moi qui l'ai énoncé. Bonjour à tous et aujourd'hui, autour de la table à 17h20, fort de son nouveau statut. Il est revenu aujourd'hui pour nous parler de musique, entre autres, le virtuose de l'entrecuisse. Bonjour André Manoukian. Ah bonjour, bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui je vais vous parler de, on n'en a pas parlé depuis trop longtemps, les Yoruba reviennent. Ah, oui, c'est quoi, par égard à notre invitée, et en même temps elle s'appelle Agathe Iracema, elle est magnifique. Formidable. C'est une chanteuse franco-brésilienne. On vous croit. À 17h30, le micrologue. Il se promène dans la vie en essayant de déceler les incohérences de ses contemporains, ce qui lui permet de ne pas trop devoir se poser des questions sur les siennes d'incohérences. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je me suis rendu ce matin au ministère de l'économie et des finances à l'occasion de la journée du livre économique. J'ai par exemple demandé au directeur de la revue Challenge son livre d'éco préféré. Alors mon livre d'économie préféré, c'est bien sûr celui que j'ai écrit il y a un an. Voilà. C'est pas la journée de la modestie, je rappelle. Et enfin à 17h40, le sportologue, ou plutôt le sport logos, car lui, Il met du discours sur des gens qui courent, ce qui nous permet de faire des efforts tout en restant assis. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous et à tous. Je vais vous parler de présomption de culpabilité, de journalisme pas sportif, un peu de Benzema et beaucoup du monde, hein, le journal dont les rotatives tournent franchement pas rond en ce moment. Bon, et nous nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous Moussa Traoré, président malien. Vous sortez votre premier tube, Mama Lova, en 97. C'est l'année de la création de Move, la radio Jones de Radio France. Vous remportez une victoire de la musique en 2010, quand le prix Nobel de la paix est décerné à l'opposant chinois emprisonné Liu Xiaobo. Et vous êtes nommé ambassadeur de l'UNICEF en 2012, quand la France perd son triple A, alors qu'on ne savait même pas qu'elle avait 3 A, mais on l'a découvert à ce moment-là. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Oxmo Puccino. Yeah. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oxmo Puccino qui sort un 8e album déjà, mais vous êtes prolixe, hein ? La Voie Lactée, album qui est sorti le 13 novembre, vous avez choisi le moment, comme Johnny, comme d'autres, hein, évidemment. Alors, c'est votre dernier album, vous qui oscillez entre les projets à collaboration, notamment le précédent avec Ibrahim Malouf, entre les projets solo aussi. Comment est-ce qu'on fait dans cet album pour se recentrer sur soi-même, tout en utilisant toutes les strates et les influences qu'on a accumulées ? Est-ce que c'est un petit peu l'idée qu'on peut retrouver dans ce dernier album, Oxmo Puccino? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Moi-même, j'ai trouvé. On va passer à la deuxième question. André a compris la question. J'avais compris, oui, j'admirais la question en disant putain, elle est courte, elle est une chanson. En elle-même, la question. Mais si André a compris, ça pose un vrai problème. Je vais la refaire parce que on ne sait jamais, Vous. Vous êtes réputé pour faire beaucoup de collaborations. Et notamment, la dernière, il y avait Ibrahim Malouf. Oui, et des enfants. Ça, c'est bon. Voilà. Et des enfants. Et puis, de temps en temps, vous êtes seul sur vos albums. En fait, oui, pour me recentrer. Voilà. Ouais. Donc là, parce que là, vous revenez à un album solo, mais en utilisant toutes les influences et tout ce que vous avez traversé. Exactement. Est-ce que c'est un bon résumé de tout ça, cet album? Oui, c'est ça. Très bien, merci. Alors, donc, deuxième question. Oui, à chaque fois que je vais travailler avec un ami, je vole quelque chose chez lui. Ah, c'est ça. Et j'enrichis ma maison. Oui. Et je la représente comme une nouvelle maison à chaque fois et ça marche. Ah, et donc là, j'ai entre les mains une maison et qui est une très très très belle maison parce que voilà, il y a un très très bel album. Et oui, j'ai vu, oui, effectivement, avec les photos. Évidemment, La Voie Lactée, ça s'appelle. Alors, avant de laisser André Manoukian mener aussi cette interview, parce qu'il est beaucoup plus spécialiste que moi, vous dites qu'avant, enfin, au début, vos instrus étaient plus street. Aujourd'hui, avec l'expérience, est-ce que vous êtes plutôt quality street? C'est deux heures de réflexion pour arriver à cette question. Elle est bien, elle est bien. Bon, je crois que je vais laisser la main à André Manoukian. Mais non. Il est quality. Répondez, quality tout sport. Court. Ah, quality tout court. Vous êtes très quality. J'espère. Bah, bien quality sûr. Musique. Mais, et pour la musique et pour les textes. Parce qu'on sent notamment dans le morceau qui s'appelle Le marteau et la plume. Oui. On sent que vous allez mettre à jour ce fameux projet d'aller dans l'écriture d'un livre. Et c'est ça que je me suis demandé. Est-ce que c'est le dernier album avant l'écriture d'un bouquin? C'est ce qu'on ressent d'ailleurs en écoutant ce titre, Le marteau et la plume. Bah, quand on écrit des chansons, on n'est pas toujours conscient de tout ce qu'on met dedans. Alors peut-être que c'est prémonitoire, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je pense à l'écriture en quantité. Oui, c'est sûr. C'est j'espère la suite logique. Mais oui, d'ailleurs, on vous appelle le Brel Black, d'ailleurs. Vous êtes connu pour vos textes. André Manoukian, on va laisser un spécialiste. Alors, vous avez un vaginologue avec vous, donc profitez-en. Détendez-vous. Bon, ma question, elle est un peu philosophique. En fait, vous avez un son, vous avez une voix incroyable. Et je me dis, est-ce que aujourd'hui, il y a des philosophes sur la côte ouest des États-Unis, par exemple, qui disent que, en fait, c'est le langage qui précède la pensée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la manière de parler, la manière d'articuler les mots qui va construire une pensée. Est-ce que c'est un petit peu ça qui se passe pour vous? Ou est-ce qu'il y a l'écriture d'abord, ou est-ce que ça passe par l'oralité? Ah, vous l'avez compris, celle-là, alors. Ça passe par l'oralité, bien sûr. Ça passe par l'oralité. Bah oui, parce que la manière dont on va servir le mot va jouer dans la réception. Et tout est là. Je veux dire, je pense que la poésie commence là parce que le mot en lui-même a un rythme, a une mélodie, et je pense que il faut trouver celui qui va avec votre ton pour le mener à son apogée. Quoi. Donc à la base, c'est la mélodie de votre langue, c'est votre Exactement. Manière de parler Exactement. qui va fabriquer vos textes, oui, en fait. Oui. Donc, et donc la musique vient après Oxmo Puccino, parce qu'il y a, alors il y a du soin pour les deux évidemment, mais vous êtes aussi connu pour être rappeur un peu intello, c'est-à-dire qui accorde beaucoup d'importance aux mots et à la pensée qu'il y a dans les mots. Oui. Le rappeur intello. Bah. Donc est-ce que c'est comme ça dans le processus créatif? Bah, c'est ça, c'est que j'écris de plus en plus des textes qui ne sont pas destinés à chanter et qui rencontrent une musique bien plus tard. Parce que justement, je veux que le texte existe de manière indépendante, mais pas de manière littéraire, parce que sinon on pourra pas chanter. Donc, je tiens toujours à garder une certaine légèreté. Mon travail consiste à traduire des textes qui peuvent être lourds en quelque chose de digestible. Donc on pourrait les chanter a cappella. Ah oui, bien donc, sûr. Donc en fait, il se place dans la tradition d'Homère, quoi. C'est un rhapsode, un aède, puisque à la base, l'écriture était uniquement orale, et finalement, c'était le rythme et la musique qui aidaient à se souvenir des textes innombrables qu'on avait à dire par cœur. Ouais. Vous avez en face de vous l'héritier d'Homère. Je ne sais pas si vous êtes impressionné. Écoutez, là, on a bien intellectualisé la musique d'Oxmo Puccino, je pense. Simplement, pour revenir un petit peu sur Terre, il est dans l'oralité. Moi, j'ai une copine qui m'appelle Oralito, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'était bien nécessaire de l'ajouter. Je pense que le mieux dans ces circonstances-là, c'est de l'écouter, d'écouter Oxmo Puccino et ce single qui s'appelle Une chance, et qui, bien sûr, est dans la playlist France Inter avec la programmation de Djoubaka. La vie est une chance, le reste du mérite. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas avoir misé sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme. La poisse t'appelle par ton diminutif, chaque décision définitive. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé passer. Tes battements de cœur, ils vont s'espacer. Accepter que t'étais pas prêt, ce qui marche pas sera pour la fois d'après. Une chance. De rigolade, attends pas stress, t'as quatre feuilles ou c'est la dégringolade. Le perdant pleure, mais la victoire est ta mère, même plus que la défaite. Demande à ta mère, les gens prennent un guide et lui marchent dessus. Un appel bidon, moi j'enfile un par-dessus, car elle ne sourit qu'aux audacieux, inaperçus, pour qui aucun effort n'est superflu. Ils savent pourquoi on est tous mal, parce qu'on part en guerre avec une seule balle. Destin pas tous la baraka, tout le monde ne passera pas du bar à table. C'est une vision du bonheur, c'est voir le jour au crépuscule et trouver des couleurs. Marie m'un virus positif, pique mes flowers, la voix brise le tissu. Je suis le postillon contre l'incendie, la société offshore contre 20 centimes. La fortune faut la saisir, pas l'étrangler. Ou au dîner de la joie, tu seras l'étranger. Espérer c'est l'évasion, caresser l'occasion, puis l'éclosion. Quoi? Chance d'avoir Oxmo Puccino avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Oxmo Puccino, vous serez le 30 mars à l'Olympia, et avant cela le 19 février à Senon, le 25 février à Brest, et puis vous passez aussi par Angers, Rouen, Strasbourg, Lille et Marseille. Et puis votre dernier album s'appelle La Voie Lactée. Tout va bien jusqu'à présent? Bien sûr. Il faut dire que cet album, j'allais dire le design aujourd'hui où on fait des albums de plus en plus simples, c'est carrément un livret qui est très sensuel. Il est fait pour être être, voilà, c'est ça. Il est fait pour être tordu. Il y a des photos qui s'animent et le graphisme est sublime. Il faut le signaler quand même, Charline, parce qu'aujourd'hui, les gens achètent plus de disques et là, cet objet, il vaut le coup. Quoi, on vous le conseille en objet. Absolument. En il faut objet acheter album. Des objets. Et un postillon contre l'incendie et saisir sa chance plutôt que de l'étrangler, c'est quand même du texte. Eh oui, c'est du Oxmo Puccino dans le texte qui est beau, avec nous. Nous, on va aussi intellectualiser l'information, n'est-ce pas, avec les oreilles. Ah bah, ça sera bien la première fois. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Barack Obama était hier en interview sur iTélé. BFM avait eu l'interview de Jawad la semaine d'avant. Chacun son tour, les gros poissons. Nicolas Sarkozy s'inquiète des jeux vidéo d'une violence inouïe, dit-il, et il a raison, ne dénoncera jamais assez la violence de ce genre de jeu où on menace l'ennemi avec un croc de boucher. Et il y aura des brèves, et même des brèves en Belgique. On commence par la COP21 qui bat son plein au Bourget et pourtant François Hollande a mis du temps à se convertir à l'écologie. Oui, au moment de nommer Ségolène Royal à son poste, il aurait déclaré « L'écologie, c'est comme mon ex, je la supporte à cause des enfants ». La COP21 où, pour éviter des milliers de gobelets jetables, chaque participant à cette COP s'est vu remettre une gourde. Même François Hollande. Et vous ne comptez pas sur moi pour faire une blague juste après ça, je vous vois tellement venir. Oh ben non, alors bon, passons. Passons à l'interview sur iTélé, grosse interview politique puisque Laurence Saïm a pu interviewer Barack Obama. Ah, la classe. Ah oui, et lui a posé une excellente question. Qui préfère-t-il entre Hollande et Sarkozy? Vous savez, ils sont très différents. Quelle est la différence? Well, eh bien, François wears glasses. François Hollande porte des lunettes, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Et si c'était Barack qui avait raison, ils sont très différents, mais en fait la plus grosse différence, c'est que l'un des deux a des lunettes et pas l'autre. Interview importante aussi, celle de Nicolas Sarkozy sur Europe 1. Il a déclaré « Je n'aime pas cette division entre la vieille économie et l'économie moderne, les start-up avec des bacs plus 18 et des jeunes en pull. » Si les jeunes de l'économie moderne portent des pulls, c'est peut-être parce qu'ils ont vu comment finissaient les DRH de la vieille économie qui portent des chemises. Chemise toujours, le père de Mathieu Valbuena juge que Karim Benzema change d'avis comme de chemise. Il aurait peut-être mieux fait de juger que son fils aurait dû la garder, sa chemise. Effectivement. Encore une interview, celle de Jean-Marie Le Pen. Et attention, il y a du jeu de mots. Quand on lui demande ce qu'il pense du fait que le MEDEF se soit prononcé contre le Front National... Mais il a un peu une réaction d'enfant gâtasse, disons. Enfant gâtasse. Eh bien moi, je préfère les jeux de mots du grand-père aux déclarations de la petite fille. Justement, Marion Maréchal Le Pen a déclaré, je cite, « Qui n'a pas vibré au sacre de Reims n'est pas vraiment français. » Rappelons que Marion Maréchal Le Pen est née en 1989 et que le dernier titre de champion de France de Reims monte à 1962. Elle n'a pas dit « Qui n'a pas vibré au sacre de Reims ne saute pas hein, ». Elle n'a pas dit. Histoire toujours avec Robert Ménard. Oui, le maire de Béziers veut, ouvrez les guillemets, « retrouver la France de Napoléon, de Louis XIV et de Charles Martel ». Napoléon, Louis XIV et Charles Martel font savoir qu'ils sont très bien là où ils sont parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la France de Robert Ménard. Passons à une information en rapport avec la lutte contre le terrorisme. Oui, un couple soupçonné d'un départ en Syrie se voit retirer ses enfants. Et voilà, on sait enfin comment faire pour passer un week-end tranquille sans ses mômes. Une page média. Oui, avec cette terrible nouvelle, la chienne de Michel Drucker a mordu Véronique Jeannot dans les coulisses de Vivement Dimanche. Michel Drucker a expliqué qu'une altercation avait eu lieu entre sa chienne et celle de Véronique Jeannot, ouais, avant que la chienne du présentateur ne morde la comédienne à la main. Terrible, hein, la chienne de Michel a meilleur goût que lui. Média toujours, salut. Saluons le retour en kiosque de Pif Gadget et change de nom et devient Super Pif. Super Pif, encore un coup du lobby juif. Idée cadeau à présent. Oui, Mattel, bon, on dit qu'on fait jamais de blagues sur eux, on peut en faire une de temps en temps. Mattel vient de lancer la nouvelle poupée connectée Hello Barbie et dotée d'un micro-enregistreur. Les parents qui sont inquiets donc à l'idée que leurs enfants puissent être enregistrés. Nicolas Sarkozy vient donc de confisquer la Barbie de la petite Julia, un cadeau offert par Patrick Bouisson. Et on termine par une brève qui vient de Belgique. Je lis le titre. L'inspecteur de la police de Saint-Josse organisait un team building dans un club échangiste. Et c'est vrai, quoi de mieux qu'un bon gangbang pour souder les équipes. Tiens, qu'en pense Oxmo Puccino? du gang bang. Non, je vous rassure. Je vous rassure. On va plutôt aborder un autre sujet. Bah, il avait compris la question. Premier sujet avec vous. Le bond de François Hollande, c'est du jamais vu dans toute l'histoire du baromètre TNS Sofres. Hollande, c'était déjà du jamais vu dans toute l'histoire du baromètre tout court, hein, en matière de grosse dépression. Mais il gagne 20 points en 2 semaines. Paf, ça ne l'aurait pas vu venir. Sauf une personne, peut-être qu'il avait vu venir, c'était sa profession quand même. Lion, que des jolis aspects dans le ciel et ils sont pour vous. Vous côtoierez le gratin aujourd'hui ou alors c'est vous qui serez traité selon votre rang, comme un roi. François Hollande donc était le président le plus impopulaire de toute l'histoire de la République. Ça, je pense qu'on nous a bien rabâché les oreilles avec ça. Oxmo Puccino, il y a toujours des sondages pour nous le mettre à 13-15%, et que c'était la catastrophe. Et puis, il prend 20 points d'un coup. C'est magique, les sondages. Vous voyez comment ça vous, les sondages? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, l'opinion? Ou pas du tout? Vous êtes sensible à ce genre d'infos? Je veux dire, ça a une certaine influence, forcément. Mais sachant que je ne connais aucun des interrogés, j'ai toujours un peu de réserve sur les résultats des sondages. Et puis que l'histoire du président le plus haï de tout, c'est à chaque président qu'on nous l'a fait. Donc c'est peut-être un effet d'annonce, mais ça marche en tout cas. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu comme les audiences médiamétrie, les sondages. Dans l'entourage, on connaît personne qui a déjà été sondé. Vous avez remarqué ça? Je sais pas. Oxmo Puccino, est-ce que vous avez déjà été sondé? On vous a déjà téléphoné? Je vais demander ce soir, mais jusqu'ici, non. Hein? On m'a jamais appelé. C'est certainement un complot. Qu'est-ce qui ressort sur ce que vous appelez le coup de la dégringolade dans les sondages? C'est aussi le pouvoir qui fait l'érosion de la popularité. Parce que quand on arrive et qu'on dit on va faire ça, on est génial. Et puis quand on se rend compte qu'on le fait pas, on est moins bon. C'est les promesses qui ont été tenues avant les élections. Et on sait très bien qu'après les élections, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on en veut toujours. Mais moi, j'ai toujours un peu d'empathie envers le nouveau chef d'État qui doit essayer les pieds cassés des régimes précédents, des présidents. Mm-hmm. C'est un travail sur la continuité. Et j'ai jamais cru qu'un chef d'État allait tout changer du jour au lendemain, parce que c'est des choses qui se font en plus d'un quinquennat, quoi. C'est vrai. L'alternance n'est pas la démocratie. Je suis sûr qu'ils y croient. Ils y croient fermement le jour de où ils sont élus. Mais après, ça c'est un peu plus difficile. C'est comme vouloir ranger sa maison. Le dimanche matin et changer d'avis en. Je vois bien. Voilà, en gros. Oui, c'est une bonne comparaison. Qu'on ne fait jamais table rase de ce qu'a fait le précédent, ça c'est clair. Alors, évidemment, François Hollande avec plus d'opinions favorables, donc, c'est, comme vous dites, moi je suis en empathie dans ces cas-là, donc ça vous rassure, il y a une forme d'unité nationale quand même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un peu changé d'avis et qui le voient différemment aujourd'hui, qui sont derrière lui. Il s'est passé quelque chose de très grave et moi, en mon sens, il a été exemplaire quelque part. Il aurait pu disparaître, il aurait pu avoir les mauvais mots, il aurait pu arriver trop tard. Voilà. Et donc cette attitude-là, ce serait peut-être bien qu'il la capitalise et qu'il prenne un peu cette hauteur qu'on lui connaît aujourd'hui, un petit peu plus de rareté dans les médias peut-être, cette attitude qu'il a aujourd'hui. Un peu plus de résultats, oui. Un peu plus aussi, de communication, sans trop de surprésence, ouais. Dans votre métier, Oxmo Puccino, est-ce qu'on a des indices de popularité comme ça? Ah, c'est immédiat. Ah oui. Je veux dire, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les salles qui doivent se remplir ou pas, on est très vite au courant de la manière dont on intéresse le public. Mm-hmm. Si vous déclarez la guerre à Daesh, vous pouvez prendre 20 points de popularité direct. Je vais passer de la cigale aux zéniths. Oxmo Puccino est avec nous. On découvre le citoyen qui existe derrière le musicien. Et aussi le poète qui est derrière le musicien. Ça, c'est André Manoukian, bien sûr. Et oui, mais moi, je suis à côté d'un maître, là. Mais juste pour finir avec les sondages, j'aimais bien ces gars-là quand ils disaient moins de tests et plus de testicules. Vous voyez ce que je veux dire? On est trop le nez dans les sondages. Il faut toujours citer ces gars-là. Ouais, exactement. Surtout quand ils parlent de testicules. Ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à parler. C'est vrai. La musique brésilienne, apparemment festive et légère, est en fait un art total. La synthèse de l'harmonie et du rythme. L'harmonie, puisqu'elle fait appel aux cadences de la musique classique, le rythme, parce que la base vient des tambours bata, l'arme sonique redoutable mais pacifique des Yoruba. Yes. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas parlé des Yoruba, et Charline. Ça nous avait pas manqué. La particularité du Brésil, c'est que l'Afrique y est toujours présente. Petit rappel historico-religieux. parler de musique sans parler de religion, c'est aussi stupide que de parler de chant sans parler d'érotisme. La spiritualité, le sexe et la musique étant consubstantiels. Les Yoruba sont un peuple situé au Nigeria, au Bénin et au Togo. Dans tout le continent africain, ils ont amené l'art de la percussion à son apogée. C'est des gros tambours immenses qui ont des peaux de chaque côté. Ils les empilent par trois dessus, ils font des notes avec. C'est plus qu'impressionnant. La peau frappée est une technique de communication entre les hommes, entre les hommes et les dieux, pour convoquer les esprits, c'est le rôle des chamans. Et enfin, elle concerne aussi les animaux. Les éléphants, dont les pieds ont des capteurs, ressentent les avant-secousses sismiques par avance et frappent le sol à leur tour pour prévenir leurs congénères à des kilomètres à la ronde. Le principe de la peau tendue sur un résonateur, c'est le principe du tympan de l'oreille humaine. C'est un principe organique, Charline. Vous n'avez jamais posé la main sur une peau de bête tendue dans un tronc taillé qui vibre au gré des trépidations intimes de la terre? Ah, la pulsation tellurique, le bruit furieux de la femelle éléphant qui appelle son mâle. Bon, on revient à la musique. C'est pour brésilienne. Ça que vous m'avez envoyé votre thème de chronique hier par SMS à 22h. Voilà. Racontez pas tout, Charline. Le tambour des Yoruba est d'une puissance de communication sans précédent. Il s'adresse aux dieux, aux hommes, aux animaux et aux pianistes en rut. Les Yoruba dominèrent la culture africaine à tel point que lorsqu'ils furent déportés aux Amériques, c'est leur musique et leur religion qui furent le ferment de l'identité africaine des esclaves. Au Brésil, les divinités africaines, les esprits, on les appelle les orixás, vont fusionner avec les saints catholiques. La musique baroque, les chants portugais et créoles, accompagnés par les polyrythmies des tambours, et voilà la rencontre fusionnelle entre les rythmes les plus puissants d'Afrique et l'harmonie occidentale dans ce qu'elle a de plus abouti. Alors, écoutez une chanson brésilienne. Ça n'est pas un acte neutre, c'est renouer avec la célébration de la vie dans ce qu'elle a de plus dionysiaque. Avec ses pieds, on capte la pulsion de la terre, on lui répond, on appelle des esprits ou à un fiancé. Avec ses oreilles, on reconstitue les syncopes éparses. Parce que les musiciens découpent le temps d'une telle manière qu'ils ne sont jamais sur les mêmes séquences en même temps. Ça serait lourd comme une marche militaire. Il joue en fait dans les trous des uns et des autres. Et jouer dans les trous de son prochain, eh ben ça fait jouir des oreilles. Un peu comme Guillaume Meurice qui joue avec les trous de conscience qu'il provoque chez les victimes qu'il intervient. Oui, elle s'appelle Agathe Iracema. C'est une jeune chanteuse franco-brésilienne. Elle a eu dans son enfance l'habitude de s'endormir avec la bossa nova de Caetano Veloso et elle se réveille le matin au son de la trompette de Miles Davis. Son père était musicien. Dans le continent américain, au sud, les rythmes afro-brésiliens répondent au jazz du nord. La bossa et la samba font par extension partie de la grande famille du jazz. Aussi, dans la voix d'Agathe, à côté des grandes sœurs de la famille Gilberto, Astrudo Bebel, on retrouve naturellement les influences de Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald et même un petit coup de tonton Cab Calloway comme référence. Agathe, délicate et souriante, nous fait voyager au gré de ses compositions et de standards de jazz. Sa voix est voilée, juste ce qu'il faut pour que nous supportions l'insoutenable beauté du monde. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando terem vez o amor, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram aras pro morro, tamborinho vai falar. Eu é dois, é três, é cem, é mil, a batucar. O morro não tem peso quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem peso e o que ele fez já foi demais. Mas olhem passagem, morro quer se mostrar. Abram aras com o morro tamborim. Vai falar é, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. O morro não tem vez. Quando terem vez o amor, toda a cidade vai cantar. Agathe Iracema, elle a à peine 20 ans, elle est brésilienne, favela. Oxmo Puccino, ça vous donne pas envie de collaborer, ça? Tout de suite. Bim. C'est fascinant, non? Ah, c'est, ça prend, je veux dire. Quand on sait ce qui reste devant elle à son âge. Ouais. Ça fait rêver. Elle a commencé à chanter à l'âge de 15 ans. Son album s'appelle Feeling Alive. On a de la chance parce qu'elle vit à Paris. Et donc, moi, j'ai 10 fois accueillir les migrants parce que ça donne de la grande musique. Voilà, c'est ça. Très bien. En plus, elle est à Paris, Oxmo Puccino, vous voyez. Donc, elle joue très souvent dans les clubs de jazz. Et allez-y sur Internet, Feeling Alive. Agathe, merci, Agathe André Manoukian. Agathe Iracema. Sur France Inter, nous sommes en compagnie d'Oxmo Puccino. Son 8e album s'appelle La Voie Lactée. Il vient de sortir. Et Oxmo Puccino est en concert, notamment le 30 mars à l'Olympia, mais pas que, dans toute la France. Et notamment le 19 mars à Marseille ou le 5 mars à Lille. Il y a aussi des dates à Strasbourg, Rouen, Angers, Brest ou Senon. Et autour de cette table, par ailleurs... Nous avons Samir Mouadi, nous avons André Manoukian. Et puis c'est l'heure de notre petit camarade Guillaume Meurice, qui a encore été ennuyé le monde. Mais où vous êtes-vous rendu? Alors aujourd'hui, je vais vous parler littérature. Et oui, parce que la Sorante et la Dupont-Mono sont même pas là, alors que c'est une journée très importante niveau littérature. Et oui, c'est la journée du livre d'économie. Tous les Zola du déficit public, tous les Flaubert de la Caisse des dépôts et consignations s'étaient donc donné rendez-vous à Bercy ce matin. Alors quand je dis à Bercy, je parle évidemment du ministère de l'économie et des finances, parce que ça peut prêter à confusion. La dernière fois, j'ai entendu Johnny Hallyday à Bercy. Je me suis dit, merde, enfin un mec qui sait gérer du pognon au ministère des finances. Mais en fait, non, hein, pas du tout. C'est toujours Emmanuel Macron. Et il avait invité pour l'occasion sa collègue, ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem. J'ai appris que son livre d'économie préféré, c'est Freakonomics, hein, de Steven Levitt, mais... Mais j'ai dû le lire il y a 5 ans, c'est pas récent. Vous lisez plus que votre collègue Fleur Pellerin? On lit tous. Voilà, bien sûr, c'est bien connu, ils lisent tous énormément, ça fait partie des choses qu'on connaît par cœur, nous, en tant que citoyens. On sait que François Hollande est au régime, que Manuel Valls est prof de yoga, que Bernard Cazeneuve est clown dans un cirque, hein, pendant son temps libre. On sait tout ça, bien sûr. Ce qu'on savait moins, c'est que les livres d'économie sont passionnants. N'est-ce pas, Laurence Torelli, directrice de recrutement? Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le management des cadres, mais en ce moment, disons, sur l'entreprise libérée. Mais je n'ai pas de livre fétiche, même. Non, mais j'aime bien les réflexions qu'il y a en ce moment sur les nouveaux modes de relations à l'intérieur de l'entreprise. Ça vous passionne? Bah oui. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est passionnant. On a tous en tête le souvenir ému d'une lecture de livre sur le management des cadres, celui dans lequel le directeur de la formation de la COGIP explique à son équipe l'approche systémique du marché global. Moi, c'est simple. À chaque fois que j'en reparle, j'ai les larmes aux yeux. Dans notre jeunesse, on a tous lu l'épisode des Schtroumpfs où le grand Schtroumpf son entreprise en présence du Schtroumpf DRH et du Schtroumpf Business Developer. Oui, parce que c'est vrai que les livres d'économie, ça peut être rigolo aussi. Et c'est Pierre-Henri de Menton, le directeur délégué de la revue Challenge, qui me l'a dit. On appelle ça la fun économie, donc c'est de partir sur des exemples assez ludiques. Par exemple, traverser un état américain sous la neige et le verglas pour aller voir un match de basket en payant assez cher, alors qu'ils pourraient le regarder chez eux tranquillement sans payer. Est-ce que ça a un rapport avec la connerie, alors, le comportement de ce secteur économique? Oui, bah, je pense que ça dépend. Après, il faudrait voir un peu la littérature qui a été publiée là-dessus, sur la fonction économique de la connerie. Bah oui, on va se renseigner là-dessus. On demandera à Alain Minc, hein, on pense à lui. Hein, dès qu'on dit connerie et économie, on pense tout de suite à lui. Un autre livre qu'en revanche Pierre-Henri n'aime pas trop, hein, comme tous ses copains partisans de l'économie libérale, c'est le fameux Code du travail. Explication. Bon, il fait 3000 pages, il pèse, alors je l'ai pesé hier soir, il pèse 789 grammes. Vous avez pesé le Code du travail? Oui. Alors, vous avez pris une petite balance, voilà, et vous avez pesé le livre. On a pesé le Code du travail, et donc vous voyez par exemple le Code du commerce, il est encore plus gros, hein, il fait environ 2 kilos. Voilà, donc la principale occupation de Pierre-Henri, c'est de peser des livres, hein, quand ils sont trop lourds. Il n'aime pas ça, Pierrot. Alors, je ne sais pas qui l'oblige à porter le Code du travail toute la journée, mais on ne saurait trop lui conseiller une version PDF, hein, à mettre sur sa clé USB. Les kilogrammes seront remplacés par des kilobits, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça lui soulagera le bas du dos. De toute façon, le Code du travail devrait maigrir sous peu, car il est bien malmené en ce moment par le gouvernement, et Pierre-Henri s'en félicite. Les lignes bougent. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron n'a pas été le dernier à sonner la charge sur les 35 heures. Il va sans doute au-delà des propositions du MEDEF sur cette question. Ah oui, et pourtant il est de gauche, lui. Alors, il est censé être de gauche, faut lui demander. Alors écoutez, c'est une excellente idée, puisqu'Emmanuel Macron était là aussi, évidemment. Alors on va savoir s'il est de gauche au détour de la question que je lui ai posée. Quel est son livre d'économie préféré ? Si je voulais vous provoquer, mais en étant très sérieux, je vous dirais que l'un des livres les plus importants dans ma réflexion sur l'économie, ça a sans doute été Le Capital, de Karl Marx. Ah oui, c'est une provocation. Là. Parce que non, mais c'est une réalité. Mais c'est surtout un putain de scoop, Manu. Emmanuel Macron est très influencé par la lecture de Karl Marx. Alors, c'est pas évident au premier abord. On est à deux doigts d'apprendre que Mohamed Merah a été influencé par la lecture du Dalai Lama ou qu'Alain Minc a coécrit les discours de l'abbé Pierre. Finalement, c'est pas Johnny Hallyday ni Emmanuel Macron à Bercy, mais vous l'avez reconnu, c'est le Schtroumpf farceur. Merci Guillaume Meurice. En effet, là, c'est un scoop. Bah oui, évidemment. Non, mais Emmanuel Macron qui lit Karl Marx. Mais il se bagarre de plus en plus pour dire qu'il est de gauche. Là, il est vraiment, il est acculé, il est au pied du mur. Oui, en ce moment, il fait vraiment une campagne de je suis de gauche. C'est juste, c'est comme Christian Estrosi. Peut-être qu'il considère que c'est un livre de fun économique. Oui, ça peut être ça. Peut-être. Bon, en tout cas, on était avec Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, vous êtes étonné aussi de savoir que Emmanuel Macron lit Karl Marx. Quoi. Bien entendu. Mais je pense qu'il ne le comprend pas. En fait. C'est, on n'a pas compris la question. Ouais. Non alors, plus. Il fait tout ce qu'il fait. Oxmo, respirez, vous en faites pas. C'est juste qu'on met l'actualité dans les soreuses. Et avec vous, on va traiter du deuxième sujet, car il fait un temps à ne pas mettre un militant dehors. Des activistes écolos doivent rester enfermés chez eux, car soupçonnés de troubles à l'ordre public. L'état d'urgence arrange bien les autorités pour préserver la COP21 des contestataires les plus virulents. Le militantisme est assigné à résidence. On est obligé de mettre ça ? Ça, c'est quand même, c'est excellent. C'est vous qui êtes fan de Michel Thor, hein, c'est ça ? C'est ça. Mais Johnny, j'aime bien. Voilà, mais c'est un hommage aux assignés à résidence, derrière des barreaux. C'est une double peine pour eux. Voilà, ils écoutent la radio. Alors, parce que moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Alors, je sais pas si Oxmo Puccino va pouvoir m'aider en ce sens. On va faire une équipe pour essayer de comprendre. Parce qu'au départ, l'état d'urgence interdit les rassemblements militants, parce que les militants, comme ils se rassemblent, ils sont menacés, puisqu'ils forment un groupe, d'accord ? Mais alors là, apparemment, c'est eux qui sont menaçants, puisque c'est eux qu'on soumet à l'assignation à résidence. Donc, est-ce que vous aussi, vous trouvez ça un petit peu, peut-être opportun, cet état d'urgence, du coup, pour la COP21 ? Bah, on l'a vu dans d'autres pays que les mesures sécuritaires pouvaient avoir des conséquences qui dépassaient le cadre qui était prévu. Donc, voilà, je pense... Rien d'étonnant, donc. Non, finalement. Au fond, non. Mm-hmm. Ouais. Les zadistes inquiétaient les organisateurs, donc là c'est réglé de façon un peu inespérée du coup. Bah oui. C'est calme, c'est très très calme. Un esprit de résistance, comment on dit, ça dépend ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait cet esprit de résistance ? Il a vécu une renaissance, voilà, je cherchais le mot. Un petit esprit de résistance qui vit une renaissance, et donc chacun essaye de l'entretenir comme il peut, ce petit esprit de résistance. Mais si les militants sont empêchés de militer, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est pas eux les militants, les résistants de toujours ? Bah, moi, je pense que en ce moment, il y a prescription sur beaucoup de choses. Je veux dire, suite à ces événements, il y a un certain ralentissement, il y a une baisse d'énergie. Tout le monde se cherche un peu. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Mm-hmm. Et je pense que ça annule beaucoup de choses. Et que donc on s'en accommode finalement. Bah, en ce moment, ouais. Ouais, en ce moment, on est préoccupé par d'autres choses. Est-ce que vous êtes militant vous-même ? Est-ce qu'il y a une cause qui vous... Moi, je pense qu'à partir du moment où on prend un micro, on milite. Mmh. Et aujourd'hui, la créativité, enfin créer pour partager, c'est devenu encore plus militant que jamais. Ouais. Ah donc, oui, c'est-à-dire que militant, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour obtenir les choses, donc c'est bah, militant. De... Bah, on se bat pour vivre, on se bat pour prendre du plaisir, on se bat pour partager. On en est arrivé là. Hélas, ouais, je trouve ça dommage d'en arriver là, mais ça donne plus d'importance à chaque démarche. Voilà, du coup, on peut distinguer, je veux dire, la paix, la beauté, la vie n'a jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui. Voilà. Grâce au djihad. Merci les mecs. Non mais c'est vrai qu'on s'est réaperçu de la valeur du quotidien le plus bête, c'est-à-dire aller boire un coup, aller à un concert. Tout simplement. Donc la politique aussi doit se remettre peut-être à ce niveau-là, de lutter pour ce quotidien-là aussi finalement. Je pense que la politique est dépassée. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Bah, le peuple ne s'est plus trop donné la tête. C'est la raison pour laquelle il y a eu un bond dans les sondages pour le chef de l'État, parce qu'il ressemblait plus au modèle dont on a besoin en ce moment. Ouais. C'est-à-dire un père de la nation. Un chef de quelque guerre. Part, c'est pour ça qu'on les élit. Quoi. Un président qui a des couilles. Mais bah, disons-le. Voilà. Mais évidemment, mais là en ce moment, il est plus proche de George Bush que de Gaulle. Quand même. Il va être content de l'entendre. Que Hollande oui, on le salue. Écoutez, voilà, hein. François Hollande, que l'on salue. Et lui aussi, il milite, il lutte et il a une belle voix de père de la nation. C'est Samir Boisdi. C'est gentil, je vais rester à ma place de père de la nation. Sinon, non, ça me plaît pas. Non, sale boulot. Il y a quand même des gens qui aimeraient que vous les reconnaissiez. Il y a des enfants à vous. On avait dit qu'on en parlerait pas. Mais c'est vrai que c'est un sale boulot. Enfin bref, donc on va parler d'autre chose. Sextape, les gars. Sextape, footballeur qui ont des couilles. Footballeur qui ont des couilles. Épisode 3, c'est reparti. Tintintin, il faudra un générique sur ce coup-là. Ça risque de durer. Sextape, c'est bien pas dit. On va l'enregistrer une fois. Bah oui, c'est mignon. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que Le Monde publie aujourd'hui le compte-rendu d'audience de Benzema auprès de la juge de Versailles, Madame Nathalie Boutard. Madame Nathalie Boutard, au passage, à qui je me permets de conseiller de bien fermer son bureau en quittant le bureau, parce que non, parce que se faire faucher comme ça, ces papiers, c'est ballot, hein, on sait jamais, hein. Non, parce que ça, un jour, ça sera peut-être un truc important, je veux dire, je sais pas, moi, une histoire de balai rose dans les souterrains du château, ou pire, un handballeur soupçonné de sous-jouer un match dans le but de rafler la mise au Paris Sportif, faut faire gaffe, hein. Donc, Madame Boutard faisait bien gaffe, et ne vous confiez pas aux inconnus qui pourraient, sous prétexte d'une simple conversation amicale, vous soutirer des informations, hein. Alors, à quoi, Madame Boutard, reconnaît-on un individu mal intentionné? En général, il a une carte de presse. Non, je déconne. C'est pas une règle, c'est pas du bronze. Enfin, ça peut être un indice. Il a tendance à flatter votre ego en vous écoutant religieusement détailler votre journée de boulot, la tête un peu penchée sur le côté comme ça. Il opine du chef. Il y va de comme les psys, d'approbation. Il est capable de lâcher un fichtre lorsque vous vous plaignez de l'attitude de vos prévenus. Il n'a pas peur non plus de conclure par un « mais non ». Après que vous ayez énuméré les insultes dont vous êtes la destinataire, tant d'aventures vous mettez en examen un homme politique véreux. Enfin, véreux. Bientôt véreux, hein, puisque le procès n'a pas eu lieu. Ben, c'est d'ailleurs de ça dont j'aimerais parler, de procès. Mm-hmm. Il se trouve que deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, des gens très sérieux, sont déjà en train d'instruire celui de Karim Benzema, grâce notamment aux informations fournies par Madame Boutard, que je salue. Sur tous les plateaux de télé, hein, on les entend expliquer que pour eux, c'est clair, voilà, il n'y a pas de quoi... Karim Benzema est coupable, cherchez pas, c'est comme ça. Coupable de quoi? Eh ben, on sait pas trop. En fait, en gros, on aurait su que certains savaient que lui savait, sans vraiment admettre qu'il avait su ce que tout le monde savait sans le savoir. Et ça, c'est su. Voilà. Du coup, alors, gros dossier pour le journal Le Monde qui appelle ça l'affaire Benzema. Alors ça, c'est du très lourd, hein. Je vais vous dire. L'affaire Dreyfus à côté, tu vois, tu m'excuses, mais il vendait moins de maillots, le vieux. Hein. Et puis Dreyfus en numéro 9, je suis pas certain des stats, hein, tu vois. Non, parce que le monocle, le costard trop serré, le képi, la moustache en pointe, je le vois bien cavaler derrière le ballon comme Charlot et glisser à cause de ses godasses en bois. Non. Faut pas non plus déconner. Zola, c'est qui? C'est qui Zola à côté de Gérard Davet, Fabrice Lhomme? Sans déconner, c'est qui? C'est un rigolo, Zola. Les mecs, là, ils font du grand journalisme. C'est vachement important d'expliquer qu'un mec de 27 ans qui gagne des millions depuis longtemps est un peu hors du temps et de l'espace. C'est important de rappeler tous les jours qu'il fréquente des voyous. C'est bien. C'est pas du voyeurisme. C'est pas fait pour vendre du papier du tout. C'est de l'objectivité en barre. C'est du courage intellectuel. Merde. C'est de l'éthique. C'est de la déontologie. Bordel. Lâchons le mot. C'est moral. On n'est pas du tout dans Voici ou Gala ou Closer. Hein. Là, on est dans du social, du sociétal, mes amis. Alors, moi, j'ai rien pour Benzema, ni contre d'ailleurs. Hein, je m'en fous. Je préfère Velbena pour tout vous dire. Parce que moi, j'ai toujours été du côté de ceux qu'on matraque. Ben, c'est comme ça. Mais là, franchement, à force de victimiser ce cher Valbuena pour mieux se dédouaner, les journalistes du Monde vont l'entraîner dans leur chute. Je le crains, le pauvre. Déjà qu'il a assez de mal comme ça à rester debout sur le terrain. Hein. Les nobles vocations sont chancelantes sur le terrain boueux des ambitions cyniques et l'on glisse parfois. Chorégraphie pathétique, danse macabre qui consiste à rester debout en voulant vendre du papier ou juste en poussant un ballon, quoi. Voilà, prise de position de Samir Boisdi, ah, qui son... diffusera demain sur Dailymotion la sextape de Davet Lhomme. Ouais. À deux, attention. J'ai vu des photos d'eux, en plus, ils ont un côté photogénique. Samir Boisdi, merci. Vous suivez ce feuilleton, vous, Oxmo Puccino? Moi, j'ai du mal un petit peu de... S'il n'y avait pas Samir Boisdi, je pense que j'aurais lâché l'affaire, moi. J'attends le dernier épisode. Ah, vous pensez qu'il y en a un dernier? Bah, ça va être le meilleur. C'est-à-dire la diffusion de la cassette? Bah, il faudrait. Allez, on va aborder le troisième sujet avec vous, Oxmo Puccino. Je rappelle que vous sortez votre dernier album qui s'appelle La Voie Lactée, dont on peut entendre des titres notamment sur France Inter. Et puis vous êtes en tournée dans toute la France. Tiens, le 26 février à Angers et le lendemain, vous serez à Rouen. Et le troisième sujet, tiens, musical aussi, à 69 ans, David Bowie a décidé de réduire l'un de ses titres pour pouvoir le faire rentrer dans les tuyaux d'iTunes. Son titre, qui s'appelle Black Star, fait 11 minutes au départ. C'est trop pour pouvoir être vendu en single sur la plateforme musicale. Alors, David Bowie, 69 ans, l'a raboté à 9 minutes 57. Voilà, de tout temps, les génies ont été contraints de composer avec les cases. Bah oui. Alors, vous avez été conquis, vous avez vraiment aimé, sire? Mais c'est certain, j'ai adoré, c'est mieux que tout. Encore que, n'est-ce pas, il va de soi que ça et là, il y est, semble-t-il, un geste de... Ah, comment peut-on dire... Un peu trop de notes, votre majesté. C'est cela, très bonne formule, un peu trop de notes. Voilà, c'est un extrait d'Amadeus, ouais. Tout à fait, voilà. Formel. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec David Bowie? Alors, expliquez-moi, Oxmo Puccino, quand on s'appelle David Bowie... 69 ans. 69 ans, je veux dire, le mec, il est installé, quoi. Il rabote un titre pour qu'il puisse entrer dans une boutique en ligne. Donc, si même lui, David Bowie, 69 ans, fait ça, enfin, est-ce que... Là, je veux dire, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Oserait-on dire. On va pleurer pour 2 minutes de musique, je pense. Et puis aujourd'hui, il faut s'adapter à notre époque. S'il aurait été plus cool pour ses fans, il aurait divisé la chanson en plusieurs et donné un morceau uniquement pour les fans, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Mais ça lui aurait rapporté plus, peut-être, parce que là... En plus. Bah oui. Que là, on paye 99 centimes pour le titre de 9 minutes 57. S'il fait un titre de 4 secondes, c'est le même prix. Après, on multiplie. On entend assez souvent que pour passer en radio, il faut faire une chanson qui fasse autour de 3 minutes. Est-ce que quand vous créez, vous vous posez cette question-là de faire 3 couplets de... Parce que toutes vos chansons font 3 minutes, on a vérifié avec elle. Non. Jamais. Jamais. Je reste sur un format assez commun de 3 couplets avec les refrains, mais c'est parce que c'est comme ça, on se pose pas de questions. Vous semblez avoir tout dit là-dedans. Non, jamais. Jamais. Okay. C'est pour ça qu'on fait d'autres chansons. Okay. Mais je dis toujours qu'une chanson, c'est vraiment trop court pour développer une thématique, mais en même temps... Aujourd'hui, tout le monde n'a pas ce temps-là pour écouter de la musique. Donc, on s'adapte à son époque, je pense. André, c'est pareil, hein, les chroniques musicales, c'est 3 minutes à la radio. En fait, on s'est toujours adapté à ça. Dans les 60s, les chansons duraient même moins longtemps, elles duraient 2 minutes. Quand vous écoutez les chansons des yéyés d'Hardy, du Tron, vous avez les premières chansons des Beatles, elles durent parfois 1 minute 50, 2 minutes, c'était le format de l'époque, quoi. Parce que c'était aussi le format des 45 tours. Ouais. Ce qui est marrant, pardon pour la question, mais est-ce qu'on sait qui a dit ça? Enfin, comment oui, c'est on le son producteur qui se poêle. Mais le producteur, il s'en vante. Enfin, c'est un article paru dans Libération qui est daté du 30 novembre et c'est le producteur Tony Visconti, vieux compagnon de route de Bowie, hein, qui était déjà là en 75 avec Young Americans, qui raconte que la chanson... Bowie. 69 ans. Que la chanson... Non mais c'était pour dire que le mec, il a quand même pas besoin de ça, quoi. Enfin, c'est quand même... Bon, je crois qu'il a pas voilà. Alors, sauf Oxmo Puccino, j'entends, il faut s'adapter. Mais alors, pourquoi faire un titre de 11 minutes, alors? Oui, voilà. C'est une très bonne manière de faire parler de lui. Mm-hmm. Voilà. C'est pas bête. Gratuitement. C'est peut-être ouais. Ça. Un petit peu comme quand il a décidé de faire la musique de Bob l'éponge. On parle plus de la longueur de son morceau que de la qualité. C'est vrai. Bah, écoutez, ça a marché. C'est hein. Génial. Quelqu'un l'a entendu? Parce que... Non, pas encore. Non, c'est le nouveau titre. L'album sort le 8 janvier. Mais ouais. Il avait un maître avant lui. Bowie, c'était Fela qui faisait des morceaux qui duraient 40 minutes à l'époque des 33 tours. Le morceau était coupé en deux et on était obligé de mettre sur la face B pour avoir la deuxième partie du morceau. Ouais. Faut citer Francis Lalanne aussi quand on parle de chansons extensibles. Voilà, je vous explique. Le morceau faisait donc 11 minutes 17 secondes. Et donc, sous ce format-là, il n'était possible de l'acheter qu'en achetant les 8 autre chanson. D'accord. Alors ça, c'est comme avant, c'est les albums. On est obligé d'acheter l'album, évidemment. Sauf que Bowie voulait en faire un single, évidemment. Donc il a été gentil pour ses fans, en fait. Mais il a dit acheter. On peut peut-être le voir du côté positif, je sais mais pas. Mais oui, c'est vrai. Oui, nous arrêtons d'être mauvais esprit. Oui, allez. Avec Oxmo Puccino, c'est vrai. C'est une promesse, Vanhoenacker. Non, parce que ça je vais la tenir 2 minutes. Hein. Ça va pas faire de mauvais esprit. Voilà. Moi, je fais du mauvais esprit 4 secondes et puis ça rentre pas dans la boutique, moi. C'est sûr. Alex, vous avez une proposition indécente à faire à notre invité Oxmo Puccino. Mais oui, tous les jours en fin d'émission, on propose un sketch à notre invité. invité, Oxmo Puccino. Est-ce que vous acceptez un rôle dans un sketch qui parle de la Belgique? Car vous l'avez peut-être entendu, le roi des Belges s'était retrouvé dans une thalassothérapie alors que toute la Belgique était en, enfin surtout Bruxelles était en niveau 4. Donc tout le monde était chez soi. D'état d'urgence, tout le monde était chez soi et la famille royale belge, enfin le roi et la reine étaient à Quiberon. En thalasso à Quiberon. Thalasso, exactement, pendant que Johnny devait annuler son concert à Bruxelles. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans cette thalasso? Nous, on le sait, Oxmo Puccino, Philippe de Belgique, oh là là, Mathilde, donc. C'est Charline, oh là là. Et évidemment, Guillaume Meurice, qui est le chef du protocole. Oh, c'est joli, la Bretagne. C'est comme la Belgique. Oh, il pleut. On irait se faire un petit jacuzzi. Majesté, on a un problème. Un problème? Avec le jacuzzi? Non, là, c'est plus grave, là. Ah, ne me dites pas qu'il n'y a plus de bulles. Non, c'est pire. Nous avons atteint le niveau 4. Mais c'est génial, 4, la puissance maximale du jacuzzi. Oh oui, des bulles au niveau 4. Non, le niveau 4 sur l'échelle. Ah, yes, ça, c'est ennuyeux. Je n'aurais plus pied, vous croyez? Ah, non. Moi, je ne sais pas nager. Non, il s'agit du niveau d'alerte attentat. Un attentat dans le jacuzzi? Quelle horreur, voilà. Rien ne nous sera épargné. Mais non, une alerte aux attentats en Belgique. Oh, ouf, j'ai eu peur. Majesté, oh. Il faut agir. Qu'on m'apporte mon peignoir de camouflage. Non, Majesté, toutes les festivités sont annulées, là. Oh non, pas le concert de Johnny. Mais si, le concert de Johnny aussi, les lieux publics et les écoles sont fermés. Ah oui, quand même. Oh non, Johnny ne pourra même pas se réfugier dans une école. Oui, bah disons que ça, c'est pas la première fois. Bon, il va falloir rentrer en Belgique. Rentrer en Belgique? Mais c'est dangereux. On reste. Tel le général de Gaulle depuis Londres, je superviserai les opérations depuis Quiberon. Bien, Majesté. Alors, où en sommes-nous? Bah, l'eau n'est pas encore chaude. Mathilde, nous parlons de la situation en Belgique. Bah, en quoi la température de l'eau en Belgique nous concerne? Ne faites pas attention à elle. Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vite, qu'on m'apporte un cocktail. Molotov? Non, un cocktail multifruits. Oh, génial! Au jacuzzi! J'adore. Moi, j'ai envie de vous introniser. Roi des Belges, ça nous changera. Oxmo Puccino, mais oui, c'est vrai. Mais formidable interprète. Eh ben oui, il faut pas écrire des livres, il faut faire chier dedans. Pour interpréter vos chansons, et voilà, il faut être un interprète, c'est tout. Oxmo Puccino, merci d'avoir passé toute cette heure avec nous. On a découvert le citoyen, on connaissait évidemment déjà le chanteur, le rappeur, l'auteur, et bientôt l'auteur de livres, très certainement, d'après ce que j'ai compris. Ne lui mettez pas la pression. Non, mais je sens qu'il y est presque. Ah, bon, bah, alors mettez-lui la pression. En tout cas, on peut entendre sur France Inter notamment Une Chance ou Slow Life, des extraits de votre album La Voie Lactée qui vient de sortir, votre 8e album. Et puis vous serez aussi en tournée le 30 mars à l'Olympia, le 25 février à Brest. Pour l'instant, on n'a rien à Quiberon. J'ai pas les dates pour Bruxelles, mais ça va venir. Mais vous jouerez sans doute au Palais Royal après ce qu'on vient d'entendre. Merci à tous. On va se retrouver demain avec Richard Bohringer qui viendra nous rendre visite. Et puis on va laisser le mot de la fin à Obama qui explique la différence entre Hollande et Sarkozy. Well, François wears glasses. François Hollande porte des lunettes, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy.